Mon lit est érotique. Je me réveille toutes les nuits avec une putain de trique. Pourtant mes rêves s'ennuient. Se dresse malgré moi, elle révolutionne ou là. Des fois j'ai peur qu'elle s'obstine, qu'elle soit de marbre sans mollir, que toute plaie elle ne respire plus, elle se finisse au jean. L'on a marre de pisser. Elle aimerait explorer. La spéléologie, c'est fou. Ça l'excite plus que les sous. Faudra bien qu'elle se résigne. Y'a plus de c'est bien qu'elle s'exerce à faire semblant d'être un sexe.